Tu m'interroges souvent et je n'ai rien à répondre. Tes paroles dans le temps n'appartiennent plus qu'à l'ombre. Quand t'as mis le mot doux et encore je ne vis, nos nuits sont bientôt courtes, nos souvenirs aussi. Une nuit de plus s'ajoute que nous comptons ensemble. À genoux, je t'écoute et c'est ta voix qui tremble. Je te préfère à tout et tout à te ressemble. Dans le miroir de l'autre, la nuit sur la tête ressemble.